bien quand on y pense. Ouh, t'es vraiment pas beau tout nu. Non. Ouh, y'a des salements partout. Ouh, j'ai fait tomber mon ganja dans l'eau. De ce jour-là, l'huile de merguez qui ruisselait sur mon corps d'athlète éblouissait de mille éclats d'or, d'argent et tous les métaux. Ta peau contre ma peau qui n'était que du tungstène en fusion. Tu as craqué, petite, quand je t'ai dit y'a pas de lézard, Janine. Viens, marchons sur la plage.